ma porte, les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes, sifflant la bande glaciale, un de ces airs d'automne.